Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 53e émission, déjà, que le temps passe vite, nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau Alain Escada. Monsieur Escada, bonjour à vous. Merci à vous de m'accueillir. Alain Escada, vous êtes le président de l'Institut Civitas. Civitas, qui vient du latin civilis, citoyen, et qui est une association catholique traditionnaliste fondée en 1999 et dont le but est de faire entendre la voix des catholiques dans tous les débats de société. C'est bien ça. Civitas est devenu récemment un parti politique, vous allez nous dire pourquoi, mais avant cela, chers auditeurs, sachez que, comme chaque semaine depuis maintenant plus d'un an, je suis accompagné de mon partenaire animateur Xavier. Xavier, bonjour à toi. Bonjour Vincent, bonjour Alain Escada, bonjour à tous. Alain Escada, je lance la première question, la voici, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, qui êtes-vous ? Alors, vaste question. Je suis d'abord de nationalité belge encore pour l'instant, paradoxe, alors que je dirige un parti en France. J'ai un nom qui est d'origine portugaise et j'ai des ancêtres qui sont tout à la fois français, allemand, hollandais, portugais et belge. Donc je suis né au confluent de l'Europe et de la civilisation européenne et j'ai été formé très tôt, vers mes 16 ans, par un vieux général, le général Emilian Sens, dernier commandant en chef de ce qu'on appelle la force publique du Congo belge, l'armée coloniale belge au Congo, qui avait eu le privilège de connaître personnellement Monseigneur Lefebvre, le général Franco, le président Saint-Lazare, le philosophe Marcel de Corte. Et c'est à travers ce général que j'ai pris goût à la fois l'enracinement, la foi catholique fervente, chevillée au corps, et l'engagement politique. Alors vous le disiez tout à l'heure, vous êtes belge, pourquoi avoir milité en France, avoir fait ce choix et non celui de militer en Belgique ? Eh bien parce que, en tant que catholique, je considère que la France, fille aînée de l'Église, joue un rôle qui dépasse largement ses frontières. Et je suis convaincu que lorsque la France retrouvera la voie du catholicisme, retrouvera sa grandeur à travers le retour à son unité avec le catholicisme, cela se répandra comme une traînée de poudre salvatrice, bienvenue non seulement dans les autres nations d'Europe, mais bien au-delà. Par référence, tout le monde se souvient que la Révolution française, fléau s'il en est, à partir du moment où elle a démarré en France, a entraîné un mouvement qui a largement dépassé ses frontières et qui a atteint les autres continents. Il en va de même pour mai 68, où on a vu que un juif allemand pouvait venir organiser le grand désordre en France, eh bien, nous faisons le pari qu'en 2016-2017, un catholique belge pourrait peut-être participer à rétablir l'ordre catholique en France. Vous parliez de Cohn-Bendit. Cohn-Bendit, bien sûr. Alors, comment êtes-vous devenu membre de Civitas ? Je sais que vous avez un long parcours de militantisme. Pourquoi Civitas et pourquoi en avoir pris la direction ? Alors initialement, donc effectivement, j'étais président d'une association belge qui s'appelait Belgique et Chrétienté, qui avait notamment le statut de lobby au Parlement européen à Bruxelles. C'est à travers cette possibilité que j'ai mené différentes actions au sein de l'enceinte parlementaire, notamment organisé des expositions au Parlement européen, expositions pour les Coptes, pour les chrétiens d'Orient persécutés, installation de crèches dans le Parlement européen à Noël, organisation d'événements contre l'avortement au Parlement européen, de quoi mettre un peu d'animation au sein de cette enceinte et me rendre très populaire parmi les députés européens, ça va sans dire. Mais en tout cas, disons, l'écho que cela générait et finalement l'intérêt de ce type d'action s'était répandu jusqu'en France, en tout cas dans les milieux catholiques. Et lorsque j'ai expliqué la méthodologie, le mode de fonctionnement de Belgique et Chrétienté en France auprès de membres de Civitas au cours d'une session d'été de Civitas, devant aussi un parterre d'abbés très attentifs à l'abbé de la Fraternité Saint-Pédis, très attentifs à la méthode utilisée. On m'a donc proposé de d'abord devenir membre de Civitas. C'était en 2002. Ensuite, j'ai simplement donné quelques conseils, puis en 2009, on m'a proposé d'en devenir secrétaire général, en 2012 d'en prendre la présidence, et voilà, c'est l'évolution du parcours, c'est en 2016 la transformation en parti politique, et dans tous les cas, la volonté d'utiliser cet outil pour donner de plus en plus d'audience au message catholique sans concession, au message catholique authentique, pas le discours bisounours du Vatican, pas une version frelatée, mondialiste, sioniste ou que sais-je. Et les Français vous ont découvert avec votre activisme contre la programmation du théâtre du Rond-Point notamment. Alors oui, alors la toute première étape, cela a été l'exposition Pisse Christ à Avignon, une exposition que nous jugions blasphématoire, dont l'affiche était la photographie d'un pseudo-artiste. C'était un crucifix plongé dans un récipient plein de l'urine de l'artiste. Alors on voit tout de suite la haute concentration de l'art contemporain à travers ce choix. Cela avait servi donc d'affiche pour cette exposition. Il y en avait de grands panneaux de plusieurs mètres carrés dans les rues d'Avignon. Nous avons organisé une grande manifestation à Avignon contre cette exposition. Nous avions aussi lancé une pétition réclamant la fermeture de cette exposition, compte tenu qu'en plus elle se déroulait avec des subventions dans un local qui était lui aussi largement subventionné. Le moment était intéressant parce que c'était la première fois qu'un événement organisé par des catholiques en réaction à l'antichristianisme atteignait pour sa pétition près de 100 000 signataires. Donc cela nous a amené à vraiment avoir un poids dans la mouvance catholique. Nous avons organisé une manifestation à Avignon et nous étions environ 1400, si ma mémoire est bonne, ce qui dans les rues d'Avignon n'était pas un mince événement. Et lorsque nous sommes arrivés devant le musée, dirons-nous, la salle d'exposition, les portes étaient bien sûr fermées et on nous craignait déjà puisque dans la cour intérieure qui séparait la porte du musée devant laquelle nous trouvions de la véritable salle d'exposition, les photographes qui étaient postés en hauteur nous disaient qu'il y avait 3 rangs de CRS casqués au cas où nous enfoncions les portes du musée. Ce que nous n'avons pas fait parce que nous sommes des gens très bien élevés. Et donc, par contre, le lendemain de la manifestation, il se trouve que quelques jeunes ont, à coups de marteau, cassé le plexiglas qui recouvre la photo Pisse Christ, ce qui a suscité un tollé comme si un sacrilège avait été commis. C'est amusant que les laïcistes, les francs-maçons, toute cette gauche caviar et cette droite faisandée refusent que les Français puissent considérer qu'il y a du sacré dans la religion, mais par contre que l'on s'en prenne à une photographie d'un pseudo-artiste, et là c'était le sacrilège suprême. Nous avions commis, semble-t-il, un attentat. Ça a été vraiment un phénomène qui a suscité, dans les heures qui ont suivi, un tollé médiatique sans précédent. Enfin, j'étais sur le retour dans le train d'Avignon et toutes les deux minutes, le téléphone sonnait comme si nous avions commis un attentat à la bombe, hein, alors qu'en fait, c'était simplement quelques jeunes qui, de leur propre initiative, simplement frappé à coups de marteau un plexiglas, rappelons-le. La photo, ce n'est qu'une photo, ce n'est pas un tableau, ce n'est pas une œuvre d'art unique. C'est une photographie qui existe déjà à l'heure actuelle à 12 exemplaires. Donc, vraiment, il n'y a rien d'unique en cela. Et puis, comme toute photo, elle pourrait être retirée autant de fois qu'on le veut. Mais ça suffit à mettre en branle toute la menace républicaine parce que nous avions commis quelque chose d'outrageux. Alain Escada, au fond, est-ce que vous seriez pour la liberté de blasphème si elle concernait toutes les religions? Alors, non, je suis foncièrement contre le blasphème. Je ne crois pas que ce soit quelque chose de positif que de blesser les gens dans leurs croyances, quelles qu'elles soient. Je suis catholique, je suis évidemment profondément blessé lorsqu'on s'en prend à ma religion, au Christ, à la Sainte Vierge, mais je ne trouverais pas plus agréable que l'on provoque à travers ce qui serait considéré pour les autres croyants un blasphème, que l'on provoque d'autres croyants. Je pense que tout peut être débattu, une croyance peut être débattue, ça va de soi, peut être contestée, ça va de soi, mais blesser les gens dans ce qui est pour eux le plus sacré, je ne vois pas en quoi cela apporte quelque chose de positif. Donc, lorsque la communauté juive s'élève contre Alain Soral ou Dieudonné parce qu'il dénonce l'utilisation qui est faite de la Shoah, quelle est votre position ? Ah, mais je suis troublé par le fait que la Shoah soit devenue la religion officielle de la République française, elle qui pourtant se dit extrêmement laïciste, attachée à cette laïcité. Ben je constate qu'en tout cas, il y a bien une religion d'État, il y a bien la laïcité comme religion d'État, mais l'addendum à cette laïcité, c'est semble-t-il la Shoah religion. Et d'ailleurs, aux États-Unis, beaucoup se sont étonnés du fait que Dieudonné soit interdit et que Charlie Hebdo soit autorisé. Oui, absolument. Ben, y a une évidente anomalie dans tout ça. Hein. Pourquoi est-ce que Charlie Hebdo, qui non seulement est porté au nu, mais rappelons-le, a bénéficié de quantités d'aide et de l'État, et des mécènes, et des particuliers, et des grandes entreprises, après les événements que l'on connaît. Pourquoi, là, c'est quelque chose de formidable de voir des dessins particulièrement outranciers, scandaleux, choquants, méchants, dégoûtants, avilissants, être portés au nu? Et pourquoi de l'humour, parce qu'on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, ce que fait Dieudonné, c'est de l'humour. Pourquoi cela devrait-il être interdit? Bon, moi, d'abord, personnellement, Dieudonné me fait beaucoup rire, donc je prends plaisir à aller regarder ses spectacles. Mais pour ceux qui ne le trouvent pas drôle, il n'empêche qu'en tout cas, il est un humoriste. Et en tout cas, il est bien plus drôle que les caricatures de Charlie Hebdo. Alors, pour revenir sur votre parcours, qu'est-ce qui vous a poussé à faire de l'Institut Civitas un parti politique qui a été déposé au journal officiel en juin dernier, il me semble? Alors, deux questions. Qu'est-ce qui vous a poussé à muter en parti politique? Deuxième question, quelles ont été les réactions depuis les 4 mois que ce parti politique existe? Alors donc, ce qui nous a poussé à transformer l'association Civitas en parti politique Civitas, c'est d'une part le constat que les catholiques étaient des orphelins politiques en France. C'est le constat que finalement, autrefois, il y avait encore dans la mouvance nationale une véritable place pour les catholiques français, et que désormais, ceux-ci sont considérés comme de simples suiveurs qui n'ont plus besoin d'être représentés en tant que tels. Je pense par exemple au Front National. On sait très bien que à la fondation du Front National de Jean-Marie Le Pen, il y avait des catholiques très engagés, il y avait des militants anti-avortement très engagés, et cela donner un apport à Jean-Marie Le Pen, à la fondation de son parti. Lorsque Marine Le Pen a pris la direction du parti, elle a donné une autre ligne. On sent bien que la boussole, les référents sont différents. Alors, libre à elle, bien sûr, mais en attendant, elle fait systématiquement référence à la laïcité. En cela, elle ne se distingue pas de l'ensemble des autres représentants de la classe politique française, qui tous considèrent que la sacro-sainte république laïque et maçonnique est donc indéboulonnable. Et nous, nous sommes foncièrement en rupture avec cela. Nous avons vu que les démocrates chrétiens, dirons-nous, la bande à boutin, n'avait pas plus véritablement envie de défendre une voie catholique, et que c'était plus une espèce d'outil de marchandage. On se souvient comment Christine Boutin a marchandé son retrait de candidature à la présidentielle auprès de Sarkozy contre un chèque. Bon, tout ça est quand même tellement lamentable, bas de gamme. Bon, voilà, ça vole pas haut. Alors, quant à ceux qui sont aujourd'hui dans les Républicains, c'est assez drôle, si c'était... drôle, dirons-nous, mais enfin, bon, c'est aussi lamentable de voir à quel point tous, à l'approche de la présidentielle, nous jouent le jeu d'être à certains moments des cathos, ou en tout cas de vouloir séduire l'électorat cathos. Mais enfin, donc voilà, le 15 août, un Juppé qui se présente à Lourdes et tente d'être pris en photo ou filmé par toutes les équipes de télévision en train de serrer la pince à l'évêque, puis ensuite qui se retrouve à la synagogue pour Yom Kippour, et puis qui au final se retrouve à faire son grand oral au Grand Orient de France. Et on se dit que voilà, ces gens-là prennent vraiment les catholiques pour des imbéciles. Alors nous, on prend le pari, oui, que les catholiques ne sont pas des imbéciles, et qu'il y a bien une voie qui est inoccupée, celle du catholicisme social, qui est pour nous la troisième voie entre le socialisme et le libéralisme, et que ça peut véritablement être un bouleversement du système dans lequel tous ceux qui veulent un véritable État libre, souverain, soucieux du bien commun, pourraient se retrouver. Alors, je ne vous pose pas la question de savoir si vous serez candidat à la présidentielle, mais est-ce que vous constituez déjà des listes pour les législatives, par exemple ? Alors, effectivement, nous sommes en train de préparer des candidatures aux législatives. C'est un impératif. Non pas que nous soyons entrés dans la logique électoraliste telle que la particratie l'a définie, parce que pour nous, c'est avant tout un moyen. Nous ne sommes pas dupes de ce système. Nous disons bien, nous sommes foncièrement hostile à ce système, donc nous n'allons pas jouer le jeu de la prostitution politique. Pour nous, les voix sont secondaires, c'est la vérité qui prime. Donc nous n'allons pas ramper, utiliser le langage consensuel, donner des gages de dédiabolisation pour être invité sur un plateau de télé, entrer dans la course au sondage. Pour nous, la vérité prime en toute occasion, qu'elle plaise ou qu'elle ne plaise pas. Alors, vous l'avez rappelé, aucun des candidats à la primaire à droite ne reviendra sur le mariage homosexuel, à l'exception de Jean-Frédéric Poisson, qui fait une percée dans les sondages en assumant un discours qui peut apparaître comme proche du vôtre à certains égards. Alors, disons qu'en tout cas, il est un petit peu en rupture de ses corréligionnaires. En matière de géopolitique, on observe qu'il est assez favorable à une ligne pro-Bachar el-Assad en Syrie, pro-Vladimir Poutine en Russie, qu'il dénonce les lobbies sionistes qui dirigent Wall Street et soutiennent Hillary Clinton. En matière... Avant de se dédire, en effet. Qu'en matière éthique, il est ouvertement, notoirement, officiellement anti-avortement, anti-mariage homosexuel. Donc, disons que il est le moins éloigné de nous parmi les candidats à la présidence aujourd'hui, en tout cas parmi les Républicains, c'est évident. Ceci étant dit, eh bien, comme vous le rappelez, il s'est déjà rétracté partiellement sur l'affaire des lobbies sionistes, et cela montre que, comme toujours, les démocrates chrétiens ne sont pas très courageux, qu'à la moindre menace, ils reculent encore, et qu'en tout cas, ils essayent immédiatement de parer aux attaques. Vrai ou pas vrai, on a vu Meir Habib, représentant du sionisme s'il en est, déclarait que Poisson lui avait téléphoné pour lui dire que ses propos avaient été mal interprétés. Donc là, c'est clair qu'il y a quelque chose d'assez inquiétant dans cette attitude qui vise à adopter une posture publique pour ensuite abandonner, semble-t-il, ses convictions et ramper devant ceux qu'il prétend dénoncer. Ceci dit, ça fait partie aussi de l'attitude politicienne que l'on constate souvent. Les hommes politiques ne sont-ils pas des girouettes qui disent tout est leur contraire au gré du vent, au gré des circonstances, au gré des sondages et que sais-je. Donc, en l'occurrence, je n'ai pas une grande confiance à l'égard de M. Poisson. Par contre, nous avons appelé à voter pour lui à la primaire de la droite et du centre, fausse droite, faux centre, pour avant tout perturber cette primaire. Nous avons bien dit, nous n'appellerons jamais à voter pour un candidat des Républicains, ni au premier ni au second tour. Mais par contre, mettre le grand bazar dans leur primaire, c'est assez plaisant. Et faire la nique au griffe. Au griffe. Voilà, c'est une phrase que j'assume pleinement, faire la nique au griffe. Mais d'ailleurs, Poisson, sur ce coup-là, a été assez malin puisqu'il n'a pas renié votre soutien. Non, on peut dire qu'il a très bien manœuvré, puisque d'un côté, il tente systématiquement, lorsqu'on lui pose la question, de dire que nous sommes des affreux, mais d'un autre côté, que c'est la liberté de tout un chacun de voter pour lui, et que donc, il n'y a pas lieu de rejeter l'appel de Civitas. Donc c'est très adroit. Il n'empêche que, du coup, le voilà estampillé du sceau de la bête en ayant bénéficié de l'appel de Civitas à voter pour lui et que tous les médias du système ne font que s'indigner de cela. Et c'est déjà un bon coup que nous apprécions. Alors Alain Escada, on se souvient que vous aviez été, vous, nommément, menacé par Daesh. En effet. Comment vous aviez vécu ces menaces et est-ce que vous avez reçu depuis une protection policière ? Alors, je vais commencer par répondre à la deuxième partie de la question. Je n'ai jamais reçu la moindre protection policière, ni de près, ni de loin, suite à ces menaces de Daesh. Quant à la façon dont j'ai vécu la chose, premier élément, lorsqu'on entend au journal télévisé la chose présentée, parce qu'on l'apprend par la presse, par les médias, par Claude Moniquet, en l'occurrence, vous qui êtes belge, voilà, vous, tout vous à connaissez fait. Le personnage. C'est en regardant un journal télévisé belge que j'ai appris l'information de la part de Claude Moniquet, qui est, rappelons-le, un ancien agent de la DGSE ou de la DST. Voilà, et qui se défend d'être un agent du Mossad pour éteindre la fumée. Voilà. Et qui donc a affirmé que dans un ordinateur d'un terroriste, ordinateur portable qui aurait été abandonné dans une poubelle et que les enquêteurs auraient retrouvé pour ensuite le transmettre à des services américains qui l'auraient décrypté parce que les enquêteurs belges n'auraient pas été capables de le faire par eux-mêmes. Les services américains auraient découvert un fichier reprenant différentes cibles, dont nous, Civitas. Donc, en l'occurrence, c'est sûr que ça nous a donné une audience. Nous étions le premier mouvement en rupture avec le système présenté comme une cible de l'État islamique. Et ma réaction, ça a été de souligner que je trouvais très curieux qu'en l'occurrence, L'État islamique, Daesh, n'avait visiblement pas l'intention de présenter comme cible le Grand Orient de France, le consistoire israélite, l'Élysée, Matignon, que sais-je. Non, leur cible, c'était les catholiques antisionistes. Voilà, amusant quand même, amusant de faire ce constat. Alors je voudrais qu'on revienne sur Civitas. Comment s'organise ce parti politique et qui vous accompagne dans cette aventure ? Alors, nous sommes une structure très souple. Nous nous présentons comme le parti du pays réel. Nous voulons avancer vraiment de façon humaine. Civitas, donc, repose sur une équipe. J'ai toute une série de conseillers à la direction de Civitas que je vais citer parce qu'ils disent quelque chose à vos auditeurs. Il y a parmi eux Marion Sigaud. Qu'on Claire, connaît très bien. Voilà, Claire Colombi, Anne Brassier, Valérie Bugot, Claude Meunier-Berthelot, qui est une ancienne inspectrice de l'éducation nationale. Il y a Pierre Hillard, Jean-Michel Vernochet, Youssef Indy. Donc vous avez une équipe, disons, qui a déjà fait ses preuves en matière de rupture avec le système, de dénonciation du mondialisme. Une équipe qui a comme unité de vue d'accepter la vision que nous proposons de restaurer une France catholique, de mettre fin aux lois de séparation de l'Église et de l'État et de faire du catholicisme la religion d'État. Une équipe qui a aussi comme point commun de vouloir identifier les adversaires prioritaires que nous avons, en l'occurrence les mondialistes, qui veulent organiser la gouvernance mondiale. Nous évoluons maintenant dans la structuration du parti Civitas. Nous voulons l'implanter partout. Donc, en l'occurrence, nous cherchons à structurer le mouvement à travers des sections municipales et des fédérations départementales. Donc, nous faisons un peu le tour de France. Nous essayons d'aller porter la bonne parole. Et d'ailleurs, en partie, avec l'aide d'Égalité et Réconciliation, dont je salue l'assistance en m'invitant régulièrement à travers ces sections à présenter un aspect des idées que nous défendons, notamment le catholicisme social. Est-ce que vous pensez que vous pouvez entrer dans le système électoraliste sans se faire subvertir par lui ? Ah, c'est en tout cas clairement notre intention. Dès le départ, nous avons dit que nous n'étions absolument pas dupes du système. Ce n'est pas le résultat électoral qui est la boussole pour nous. Les autres partis ont cet inconvénient. C'est-à-dire qu'ils doivent sans cesse pratiquer l'autocensure s'ils ont des convictions, parce qu'ils savent que tel ou tel élément de vérité serait contre-productif en termes électoralistes, que telle vérité énoncée un peu trop virilement aurait pour conséquence de perdre un ou deux points, voire plus dans les sondages, et donc d'entraîner une réaction de l'appareil du parti affolé. Nous, d'abord, on démarre de zéro. L'avantage, c'est qu'on ne peut pas perdre grand-chose. Donc les sondages, on s'en tamponne. La recherche de consensualité, elle est totalement absente de notre démarche. Dès le départ, on l'a dit, nous allons nous servir de l'outil parti politique pour dire tout ce que l'on n'entend plus autrement dans le débat politique. C'est pour nous un tremplin, non pas pour conquérir des postes, c'est vraiment pas notre démarche. Si, à la grâce de Dieu, à un moment ou l'autre, des gens sont élus pour proclamer un message de vérité, on ne va pas s'en plaindre. Mais ce n'est pas notre quête absolue. Nous, ce que l'on veut, c'est profiter de chaque échéance et de la stature de parti politique pour pouvoir plus facilement déclarer des éléments de vérité politique qui sont totalement écartés à l'heure actuelle et que nous n'aurions pas pu facilement dire de façon aussi audible, en tout cas avec autant d'audience, si nous étions restés une association, une modeste association. Il va de soi qu'à partir du moment où nous sommes un parti politique, si petit soit-il, nous avons plus d'audience, et donc le fait de dire une vérité abominable pour le politiquement correct est réjouissant à partir du moment où cela provoque l'effet d'une petite bombe. C'est le fait de faire la nique au CRIF, par exemple. Alors, j'y reviens. Quelle a été la réaction de vos adversaires depuis que vous avez muté en parti politique ? Dès la parution au journal officiel, on a vu l'intérêt, l'affection qu'on nous portait dans certains cénacles. Cela a été d'abord une représentante de l'UFAL, l'Union des familles d'action laïque, ce qui est une émanation du Grand Orient de France, qui a commencé à tenter d'agiter les réseaux associatifs, donc de prendre contact avec les milieux lesbiens, gays, bisexuels, transsexuels, intersexes, etc., pour essayer de mobiliser tout ce pan-là de la vie associative. Cela a été bien sûr les différentes obédiences maçonniques qui, visiblement, ont fait jouer le tam-tam interobédience. Et donc, on a eu à un moment un premier contact avec une journaliste, je m'en rappelle fort bien, parce qu'elle m'a dit très clairement, vous savez, je suis invité très sérieusement à faire un papier sur vous, votre mutation en parti politique, parce que derrière, il y a une agitation, une pression, un harcèlement associatif qui vise à ce que on dresse l'image d'épouvantail à votre égard en disant que vous êtes devenu un parti politique. Donc, fort bien, on a bavardé, le papier est paru le soir même, et cela a été comme une traînée de poudre, l'occasion de l'annonce dans différents médias que les méchants intégristes catholiques, réactionnaires, homophobes, etc., étaient devenus un parti politique. Et dans la foulée, on a entendu M. Falorni, député franc-maçon socialiste, ou radical de gauche plus précisément, prendre la parole pour demander l'interdiction du parti politique Civitas et aller jusqu'à donc faire une interpellation à l'Assemblée nationale demandant des explications à M. Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, et lui enjoignant de prendre toutes les mesures nécessaires pour interdire le parti politique Civitas, ce à quoi M. Cazeneuve a bien été obligé de répondre que nous avions tout simplement respecté la procédure et la loi, et qu'il n'y avait donc aucun moyen de nous interdire dans la situation actuelle. Donc pour l'instant, la surréaction a plutôt fait votre promotion. Eh bien, saluons la chose, en effet. Il y a pour les catholiques une phrase célèbre, c'est parfois le diable porte pierre. Nous avons, en l'occurrence, bénéficié de l'agitation LGBT maçonnique. Et donc cela a plutôt fait notre publicité, après quoi nous avons d'autant plus facilement commencé à recruter. Et je dois dire que pour l'instant, on voit avec plaisir que le discours que nous tenons, très anti-système, foncièrement patriote, intégralement catholique, radicalement anti-maçonnique, obtient une écoute dans des milieux très larges. Le week-end dernier, j'étais encore dans un train, dans un TGV, et c'est un contrôleur de train d'origine tunisienne, musulman, qui m'a accosté, m'a invité à boire un verre en me disant à quel point il suivait les vidéos que l'on faisait avec beaucoup d'intérêt, et que lui, musulman, considérait bien que ce serait un bien pour tout le monde que la France redevienne catholique. Alors justement, je vais me faire l'avocat de vos adversaires. Est-ce que vous n'êtes pas du côté du manche finalement, puisqu'on n'est plus à l'époque du petit père Combes? Aujourd'hui, la laïcité est attaquée de toutes parts. On parle beaucoup des territoires perdus de la République où les enseignants ne peuvent plus enseigner la laïcité. Justement, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être dans le sens du vent? Alors, dans le sens du vent, en tout cas, dans le sens du politiquement correct et de la pensée unique, certainement pas. Dans le sens, peut-être, du réveil du pays réel, ça, très probablement. Je constate, avec plaisir, jour après jour, qu'il y a de plus en plus de Français qui ouvrent les yeux et qui n'entendent plus, se faire intoxiquer jour après jour par les médias du système, qui donc désormais s'informent par les médias alternatifs, et je salue évidemment le média qui m'accueille ici et me donne un micro, c'est une preuve de plus de la puissance de ces médias alternatifs. Et d'autre part, on voit que de plus en plus de Français ne veulent plus non plus faire confiance un seul instant à la caste politicienne dont ils savent qu'elle est entièrement à la solde de lobby et que les preuves ne sont plus à présenter de leur collusion qui avec le CRIF, qui avec le Grand Orient, qui avec l'UEJF, qui avec le Club Le Siècle, qui avec le Bilderberg, etc. etc., etc. Donc, fort heureusement, le réveil de la population, ce que nous appelons le pays réel, se ressent jour après jour et peut-être que nous bénéficions de ce vent-là. Oui, dans ce sens-là, nous sommes dans le vent de ce pays qui se soulève. Et puis vous défendez le fond de la foi, c'est l'anecdote que vous racontiez à propos de ce Tunisien ou aussi l'adhésion de Youssef Indy qu'on a reçu à ce micro il n'y a pas longtemps, qui est marocain et qui dépasse justement une foi précisément et qui rejoint une lutte contre le choc de civilisation. Alors, bon, moi j'aime pas l'expression front de la foi, je dis souvent cela, je préfère l'expression de convergence de tous ceux qui sont de bonne volonté, mais dans le sens où front de la foi pourrait laisser penser par extrapolation que nous serions favorables à une espèce de syncrétisme religieux. Or, précisément, le syncrétisme religieux, c'est un outil du nouvel ordre mondial qui aimerait voir émerger une religion New Age dans laquelle devraient se reconnaître tous les croyants qui auraient été vérolés par une version aseptisée de leur croyance de base. Mais par contre, j'en suis intimement convaincu que le discours de vérité que nous voulons porter est un discours dans lequel peuvent se reconnaître tous les gens de bonne foi et de bonne volonté, quelle que soit leur croyance, pour autant qu'elle ne soit pas celle du satanisme et de ses officines. Et donc, en l'occurrence, je vois bien que l'on soit musulman, orthodoxe, athée, agnostique, les personnes qui veulent véritablement une rupture avec le système, qui sont foncièrement hostiles au mondialisme, qui sont foncièrement hostiles à l'idée d'un gouvernement mondial dont la capitale serait Jérusalem, selon les mots de Jacques Attali, eh bien ces gens-là comprennent bien qu'une France catholique, en fait, serait porteuse de biens communs et nettement plus profitable à tous que la République maçonnique que l'on connaît à l'heure actuelle. Alors Alain Escada, pour que nos auditeurs comprennent bien, qui dit parti politique dit programme politique, 3 points, Union européenne, pour la sortie ou non? Pour la sortie, bien sûr, le Frexit. Immigration, pour la remigration ou non? Pour la rémigration, d'abord pour l'arrêt immédiat de toute immigration extra-européenne et pour ensuite l'organisation en plusieurs phases de la rémigration. Et enfin, république ou royauté ? Alors, je suis personnellement plus favorable, évidemment, à un monarque, parce que je pense que c'est plus naturel au vu de l'histoire de France. Ceci dit, ce n'est pas, en l'occurrence, la pierre essentielle. Je dis souvent que je préférerais un maréchal catholique à un roi franc-maçon. et que aujourd'hui la question se pose tout simplement de savoir évidemment quel monarque et par quels moyens arriverait-il au pouvoir. Donc dans l'absolu, si vous me proposez un Saint-Louis, je signe des deux mains d'emblée immédiatement. Ça va sans dire. C'est ce type de monarque-là que nous voulons. Si c'est vivre la situation des monarchies de pacotille que l'on connaît dans beaucoup d'autres nations européennes, que ce soit en Espagne, en Belgique ou ailleurs, je vous assure que on n'y gagnera pas grand-chose. Quand je vois que les monarchies des Pays-Bas et de Belgique fréquentent le Bilderberg, c'est pas une garantie en tant que telle. Donc tout est dans la réalité que l'on met derrière ces mots. Il faut que ce soit une monarchie catholique. Et à partir de ce moment-là, il ne fait aucun doute que c'est effectivement profitable et préférable. Alors j'ai une question très importante. Alain Escada, combien coûte un pain au chocolat ? Alors, pour moi, entre 1 € et 1,50 €, mais bon, on n'a pas nécessairement les mêmes fournisseurs, je suis sûr que Copé a des prix de gros. Puis ça montre surtout la déconnexion des élites et du peuple. Il ne sait pas combien coûte un pain au chocolat. Bien sûr, bien c'est sûr. C'est extraordinaire. C'est d'autant plus extraordinaire qu'il en a fait une formule de campagne et qu'il devait bien s'attendre à ce qu'à un moment, ça lui revienne comme un boomerang au visage. Mais bon, il n'est pas le seul, bien sûr. Hein. J'imagine que ce n'est pas Sarkozy qui descend de son jet qui est en mesure de dire combien coûte un billet de métro. C'est pas Juppé, en sortant de sa limousine, qui est en mesure de savoir quel est le prix moyen d'une baguette. Bon, le problème, c'est qu'on a des gens qui vivent dans des tours d'ivoire et qui prétendent nous dire comment nous devons vivre. Mais cela dit, c'est pas choquant en soi. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un pays du Nord où on attend des ministres qui viennent dans les ministères en vélo, qui non, démissionnent dès qu'il y a un problème pour une note de frais. Ça, c'est du chaud. Ça, c'est une vision nordique. À la limite, qui sache pas le prix d'un pain au chocolat, je trouve pas ça tellement dérangeant. C'est pas ça l'essentiel. C'est plus qu'ils ne servent pas l'intérêt national. Oui. Les Français seraient prêts à l'accepter, ça, à la limite. Oui, moi, je donne souvent en exemple de chef d'État du XXe siècle, Salazar au Portugal. Voilà quelqu'un qui, jour après jour, vivait quasiment dans son bureau de travail, qui était non pas un bureau présidentiel comme on peut en voir un à l'Élysée, mais un bureau très austère. Pour lui, il n'y avait pas lieu d'aller multiplier les visites, les sorties devant les médias pour essayer de faire parler de lui. Lui considérait que son rôle de chef d'État, c'était de travailler pour le bien commun de son peuple, de préserver son peuple du matérialisme qu'il voyait poindre à travers le monde anglo-saxon qui commençait à s'imposer partout en Europe, et donc voilà quelqu'un qui, sans doute, n'allait pas à la boulangerie acheter son pain lui-même, mais qui ne paradait pas non plus en limousine, ne passait pas non plus ses vacances sur le yacht d'un industriel ami, qui n'allait pas dans un club très chic fêter sa victoire électorale et qui ne considérait pas que il faut avoir une Rolex ou une Patex pour montrer qu'on a réussi dans la vie. Et c'est ce type de chef d'État-là que je voudrais que l'on retrouve. Et en tout cas, c'est ce type de chef d'État-là que je veux promouvoir. Un chef d'État qui considère que sa mission, c'est servir et non se servir. Que sa mission, c'est veiller au bien de son peuple, et en l'occurrence, surtout d'abord au bien des plus humbles de son peuple. Aujourd'hui, je voudrais qu'un chef d'État français se préoccupe de ceux qui n'ont pas d'emploi, des petits paysans, des petits commerçants, des petits artisans, des petits entrepreneurs, et non pas aux intérêts des multinationales, aux intérêts des lobbies, aux intérêts de l'étranger, aux intérêts des émirs, aux intérêts de Tel Aviv, aux intérêts de puissances étrangères qui sont sont vantés comme nos meilleurs alliés et qui, en fait, sont nos meilleurs pourfendeurs. Et en même temps, je reviens sur la remarque de Xavier tout à l'heure, pour qu'un homme d'État défende l'intérêt du peuple, il est bon qu'il connaisse les réalités qu'il vit. Oui, oui, bien sûr. Mais comment fixer un SMIC si on ne sait pas... Je pense que, de toute façon, et pour un catholique, ça doit être une évidence, c'est le réel qui prime. C'est une expression que nous utilisons beaucoup, c'est le retour au réel. Et le retour au réel, bien, par exemple, c'est effectivement pour fixer le montant d'un SMIC, c'est savoir quelle est la somme nécessaire pour vivre dignement. Ça va de soi. Donc évidemment, si on n'a aucune notion de ce que coûte la vie, bah, on ne peut pas estimer quel est le montant minimum d'un SMIC. Si on considère que pour calculer le montant moyen de ce que doit recevoir un citoyen pour vivre dignement, on prend uniquement des éléments qui sont de faux besoins, bah, on se trompe aussi. Hein, je vois par exemple que dans le calcul de l'index, on met maintenant la télévision, l'ordinateur, le smartphone, mais bon, je pense que ce ne sont pas vraiment des éléments indispensables pour vivre correctement. Mais par contre, pour calculer la notion d'index, je pense qu'il est bon de savoir quels sont les produits alimentaires courants qui sont indispensables pour vivre correctement. Alors Alain Escada, depuis qu'on vous a reçu en janvier de cette même année, il y a un phénomène qui s'est accru, qui s'est aggravé, c'est le phénomène des migrations massives. Ces migrants qu'on a vus à Calais, qui maintenant se dispersent dans toute la France. Quelle est votre analyse de la situation ? Alors, je tiens souvent, lorsque j'en ai le temps, à rappeler que d'abord tout cela est orchestré. Il ne faut pas perdre ça de vue. Donc en l'occurrence, nous sommes foncièrement opposés à cette immigration. Nous voulons organiser la rémigration, mais nous voulons aussi systématiquement rappeler aux gens qu'ils doivent identifier l'adversaire. En l'occurrence, comprendre qui orchestre tout cela. L'immigré ne monte pas tout seul par hasard sur un bateau à partir de Syrie ou d'Irak ou de Tunisie ou d'Afghanistan pour arriver sur une côte européenne. Et donc, il est évident qu'il faut pointer du doigt les forces mondialistes qui organisent cette immigration. Il faut rappeler qu'elle est orchestrée et que des gens comme George Soros jouent un rôle prépondérant dans tout cela. Rappelons qu'il y a quelques semaines, George Soros a affirmé qu'il avait encore débloqué 500 millions d'euros pour favoriser l'arrivée d'immigrés en Europe. Et dans une tribune libre publiée dans un quotidien allemand, il conseillait aux institutions européennes de s'accorder sur un budget de 30 milliards d'euros chaque année pendant 20 ans pour faire venir encore plus d'immigrés en Europe. Et cela, c'est effectivement une politique d'immigration de grand remplacement, mais qui vise quoi ? Qui vise d'une part non seulement à offrir aux multinationales de la main-d'œuvre bon marché, sous-payée par rapport aux travailleurs de nos pays européens, mais qui vise aussi à organiser le grand chaos et donc à favoriser ce fameux choc des civilisations dont on sait qu'à ce moment-là, il devrait être résolu par l'intervention d'une force internationale onusienne qui démontrerait, selon ces gens-là, toute la nécessité de mettre en place un gouvernement mondial. Et l'indifférenciation des cultures ? Bien sûr, et le nomadisme qui doit encore et toujours, pour ces gens-là, être encouragé, promu, faire de nous des citoyens totalement déracinés, sans Dieu, sans famille, sans patrie. C'est un processus qui a été entamé de façon évidente dès les années 70, en réalité. On se souvient d'Edmond Rothschild qui, dans une interview, déclarait « Le verrou qui doit sauter, c'est la nation ». Ensuite, eh bien, c'est toute la, la pression de, du haut patronat cosmopolite sur les gouvernements européens pour faire venir ici de la main-d'œuvre dans un premier temps sous contrat à durée déterminée, puis ensuite ce haut patronat cosmopolite veut que ce soit un contrat indéterminé, favorise la notion de regroupement familial, donc implante ces immigrés chez nous, au détriment des travailleurs qui à ce moment-là existaient, mais que ces multinationales ne voulaient pas payer correctement, et puis voilà, le processus est engagé, et vous avez un phénomène d'immigration qui s'est accéléré. Et je répète souvent aussi, parce qu'il faut, que les gens aient une vision claire des choses, bien sûr que nous sommes contre l'islamisation de la France. Mais ce que nous constatons, c'est que cette immigration, elle n'a pas été rendue possible par le vote de députés musulmans à l'Assemblée nationale. Ceux qui ont permis cette situation, ils n'étaient ni catholiques ni musulmans. Et on voit bien que la question, c'est à qui profite le crime ? Il y a une grande manœuvre qui est organisée depuis maintenant des décennies par des forces mondialistes qui veulent, à travers l'organisation d'un grand chaos, avoir toute emprise sur tous les événements et continuer à améliorer leur position de super dominateur de l'Empire. Et que répondez-vous à ceux qui pourraient vous dire que la charité chrétienne commande d'accueillir ces migrants et même de les aimer? Oh mais de les aimer, moi vous savez, j'aurais tendance à dire qu'il faut aimer tout le monde, hein, à partir du moment où la personne est de bonne volonté, de bonne foi, et est prête à se comporter correctement, dignement. Mais la question n'est pas là. La question, c'est le réel. Charité bien ordonnée commence par les siens. En l'occurrence, quand on n'a pas les moyens en France d'offrir une vie digne à tous les gens qui vivent ici, on n'a pas à continuer à ouvrir les frontières pour prétendre faire vivre mieux ceux qui viennent de débarquer d'un autre continent pour, soi-disant, fuir une guerre, dont on sait qu'en réalité, c'est absolument pas ça le fond du problème. Hein. Quand on voit le nombre de gens qui débarquent ici en se prétendant syriens, mais qui ont tout simplement acheté un faux passeport syrien, quand on voit qu'une bonne partie d'entre eux qui disent réellement quelle est leur nationalité viennent de pays qui ne sont absolument pas en guerre, on voit bien que tout ça, c'est une simple manipulation politico-médiatique qui vise à émouvoir le français moyen devant son téléviseur. La vérité, c'est qu'on veut organiser le chaos. Quant à la charité, eh bien, quand on voit que plus de 300 SDF sont morts en France, dans la rue, eh bien, peut-être qu'il faudrait d'abord penser à ces gens-là. Quand on voit que des Français qui ont travaillé toute leur vie, arrivent à l'âge de la pension en vivant dans des taudis, eh bien, il faut plutôt se demander si on n'a pas un devoir prioritaire vis-à-vis de ces gens-là. Moi, vous savez, je suis beaucoup plus au contact du réel que Copé, Sarkozy, Fillon et compagnie. Et j'en vois des gens qui sont des grands-mères, des grands-pères, qui vivent dans l'isolement, dans le dénuement, dans des taudis, avec de la mérule au plafond, un évier pour se laver, qui ont toutes les peines du monde à acheter des médicaments pour se soigner correctement. Et il y a un scandale de voir que des gens arrivent ici par les bienfaits de Soros & Co. et reçoivent tout sur un plateau d'argent, un logement, de la nourriture et un logement qui ferait pâmer d'envie une bonne partie des Français. Hein, quand on voit les images à la télévision, des logements qui sont offerts à ces immigrés qui arrivent illégalement chez nous, il faut le rappeler, moi je peux assurer qu'une bonne partie des gens qui vivent en France et qui ont parfois travaillé toute leur vie seraient bien heureux de disposer de tels logements et avec de telles conditions. Alain Escada, je rappelle que vous avez participé à la rédaction d'un ouvrage biographique de Marion Sigaud intitulé « Foi de dissidente », publié chez Contre-Culture et disponible bien sûr sur le site contreculture.com. Il est important pour vous que les Français se réapproprient leur histoire ? Ah, c'est fondamental. C'est fondamental d'abord parce que connaître l'histoire, c'est pouvoir comprendre le présent et anticiper l'avenir. C'est être en mesure de décrypter les événements et de pouvoir estimer quelles sont les conséquences des fautes commises par ceux qui nous gouvernent. Ensuite, c'est essentiel de se réapproprier notre histoire pour nous libérer du carcan du révisionnisme du révisionnisme idéologique qui nous impose une histoire frelatée, celle de la repentance. On parle beaucoup de révisionnisme, mais il existe un révisionnisme qui a pignon sur rue, c'est la façon dont l'histoire de France est enseignée aujourd'hui. Et ça, c'est du révisionnisme en réalité. Ce sont les innombrables mensonges, manipulations, malfaisances qui font croire aux Français qu'ils doivent en permanence battre leur culpe parce que leurs ancêtres auraient été des barbares, des esclavagistes, des sauvages, que sais-je, parce qu'en somme, ils n'auraient rien fait de bien. Si on croit l'enseignement de la République, la lumière est venue un beau jour de 1789, et avant cela, eh bien, nous étions des infâmes. Il faut, grâce à des historiens comme Marion Sigaud, Claire Colombi, rappeler que l'histoire de France est autre chose, que la France a été grande avant la République, grande parce que préservée de cette maçonnerie républicaine qui ensuite l'a complètement vérolée, souillée, infiltrée, pervertie. Sans compter que l'histoire démarrée en 1789, c'est déjà du passé. Aujourd'hui, l'histoire du monde commence en 1945. Absolument, absolument, absolument. Alain Escada, merci d'avoir accepté notre invitation. Ben merci surtout à vous de m'avoir offert le micro, une tribune pendant une heure. Merci de me permettre de mieux faire connaître notre vision du monde auprès de vos auditeurs. Alain Escada, on peut retrouver votre actualité ainsi que celle de votre parti sur le site de Civitas. Alors www.civitas-institut.com. Chers internautes, vous pouvez depuis ce site adhérer au mouvement politique Civitas. Alain Escada, merci encore et bon courage à vous. Merci à vous. Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Shaman Joe. Son album « Et après » est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter « Allons enfants ». Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine. Nous sommes cernés par la force obscure, cette force que l'argent procure, qu'une farce insulte à la culture, une farce sans éthique bien trop mûre. Fais ton amour à coups de fric, vas-y crash, hein. Mais pas trop vite, dans toutes ces femmes que tu pénètres. Surtout pas aimer, ça ébranle l'être. Allons, enfants de la prairie, le jour de paix est arrivé. Avec nous de la dignité, l'étendard blanc élevé. Vas-y, crois en Dieu, lave-toi les mains. Être parfait, ça te va bien, mais si demain on te dit de flinguer, t'iras tirer sur l'humanité, ouais. Esclavage, triste agonie d'un vieux monde parti chasser. chasser le sang des innocents pour s'en nourrir sans fasciser. Allons enfants de la prairie, le jour de paix est arrivé. Avec nous de la dignité, l'étendard blanc élevé. L'espoir nu dans la torpeur, y'a qu'à gazer tous ses rêveurs. Qu'est-ce qu'il dit lui? N'écoute pas l'ami, ton chemin t'appartient, ouais ouais ouais. C'est la grande croisée des cœurs qui unira les gens, qui unira le temps. Allons enfants de la prairie, le jour de paix est arrivé. Avec nous de la dignité, l'étendard blanc élevé.